Jean Lebrun, dans le vif de l'histoire aujourd'hui, l'Afrique du Sud, du sida au Covid. Le gouvernement sud-africain a annoncé la découverte sur son territoire du variant Omicron, du virus du Covid. Beaucoup d'autres pays l'ont du coup inscrite sur liste rouge. Le pays dénonce des réactions injustifiées. Il est consigné en quelque sorte pour avoir assuré la transparence. Il y a un peu plus de 20 ans, en 2000, l'Afrique du Sud était au contraire accusée d'aveuglement. Cette année-là, le congrès mondial qui réunissait les chercheurs du sida se tenait à Durban. À l'époque, 3 millions de personnes mouraient chaque année du sida. 95% des cas concernaient les pays du Sud, et l'Afrique du Sud était particulièrement touchée. Peut-être 20-25% de la population était séropositive. Mais comment savoir précisément quel intérêt y avait-il à se faire diagnostiquer, puisque on n'avait pas de traitement disponible? Une trithérapie comme en Occident aurait coûté 3000 euros par an et par personne. Le président du pays, Thabo Mbeki, avait choisi, faute de mieux, contre toute évidence, de mettre en cause le lien entre le virus et la maladie. Il retardait l'entrée des traitements, tandis que sa ministre de la Santé recommandait la betterave, l'huile d'olive, l'ail, etc. En 2000, les chercheurs du congrès de Durban guettent donc le discours d'ouverture du président, qui se fait prudent. Puis, son prédécesseur, Nelson Mandela, lui mettant l'épée dans les reins, il évolue. Et en 2003, les antiviraux pénètrent enfin en Afrique du Sud. Encore quelques années, et l'ONU-SIDA, l'organisme spécialisé des Nations Unies en la matière, la proclamera leader dans la lutte contre le sida. Et sans doute le pays pense-t-il s'être comporté aussi bien aujourd'hui en déclarant de suite le nouveau variant apparu sur son sol, bon élève, récemment promu au tableau d'honneur, l'Afrique du Sud écope néanmoins, vous le dites, d'un billet de consigne. C'est une illustration de plus du décalage en temps de pandémie entre pays riches et pays en développement. Alors à l'époque du sida, il n'y avait pas de vaccin. Il n'y en a toujours pas. Mais il y avait les trithérapies. Or, les pays pauvres n'ont pas pu compter sur les riches pour leur en fournir. Pourtant, aujourd'hui, 27 des 37 millions de personnes vivant avec le sida peuvent être soignées. Une trithérapie ne coûte plus que 100 euros. De 3 millions de morts annuelles à l'époque de Durban, on est tombé à nettement moins d'un million. Que s'est-il passé ? Que s'est-il passé ? Oui, bien avant Durban, bien avant 2000, des responsables politiques, notamment français, des autorités médicales ont répété que ce qui se passait était éthiquement insoutenable. Et des associations de malades, devenues expertes de la maladie, ont commencé à talonner les firmes pharmaceutiques, demandant par exemple « si vous vendiez moins cher vos produits, vous étendriez vos ventes ». Mais les associations se sont rapidement aperçues que les grands labos n'avaient que faire de l'argument. Leur modèle économique reposait au contraire sur la vente de petits volumes à des prix élevés sur le marché, le sol des pays riches. La question de la propriété intellectuelle est venue sur le tapis. Ben oui. À l'époque de Durban, l'Organisation mondiale du commerce est encore jeune. Elle est en train de fixer les normes de la propriété intellectuelle fondées sur les brevets que distribuent les États. Lorsqu'une firme détient un brevet sur un médicament, elle est en mesure d'en demander un prix élevé assez longtemps. Alors comment desserrer le nœud coulant ? À l'époque de Durban, l'OMC avait laissé un peu de temps à certains pays en développement avant d'imposer complètement ses normes. Des entreprises nationales au Brésil ou en Thaïlande, des entreprises privées en Inde, se sont mises à fabriquer à toute vitesse des combinaisons de première ligne. La concurrence à laquelle se livrèrent ensuite les entreprises indiennes a fait le reste. Le prix des trithérapies a plongé. Alors, il ne s'agit pas d'assimiler les deux pandémies, le Covid et le sida. Aujourd'hui, l'OMS, d'ailleurs, insiste soudain sur les difficultés d'acheminement logistique des vaccins dans les pays pauvres, faisant porter la responsabilité sur ce sujet. Elle continue néanmoins à souligner l'écart entre les dotations des pays. Plus de 80% des vaccins sont allés aux pays du G20. L'OMS imagine aussi un traité mondial sur les pandémies qui serait juridiquement contraignant en matière d'information et de distribution des produits. Oui, mais demeure la nécessité d'ouvrir la boîte noire de l'industrie pharmaceutique. Et pour cette chronique, vous êtes, Jean, appuyé sur un ouvrage collectif qui vient de paraître chez Anna Mosa et qui accompagne l'exposition du MUSEM. Ce sera à partir du 15 décembre à Marseille. VIH, SIDA, l'épidémie n'est pas finie. France Inter.